L'innommable par Clarisse Sandre. Maudite soit-elle, l'innommable, l'imprenable citadelle. Insatiable, intraitable, indomptable et cruelle, à toute trêve hostile et rebelle. Qui est-elle? Celle que jamais l'on appelle. Des ennemis, la plus fidèle. Insupportable, sans foi ni loi, elle nous torture, nous broie, et en enfer toujours nous envoie. Impitoyable, nos larmes, nos cris, nos effrois la laissent sans émoi. Toi, moi, petit ou roi, mois après mois, année après année, décennie après décennie, enfin aux abois. Que nenni, jamais lassée, elle est toujours là, vigilante, collante et vaillante, combative, inventive, invasive, incisive. Elle refuse de céder, d'en paix nous laisser vivre et respirer. Chronique et invisible, pour toujours invincible. Désespérance sublime, aux désespérances infimes, du fond des abîmes au sommet des cimes, des imprécations, rébellions et malédictions, de ses irréductibles victimes, elle sera toujours ainsi la cible ultime.